su que t'étais loin, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi papa es-tu là-bas? Sans toi je suis seul et de toi j'ai besoin. Car sans père près de mon cœur, je n'ai plus de repère. J'ai trop de rancœur dans le cœur qui survit malgré l'absence d'un père. Ma mère pleure des rivières de larmes à cause des nombreuses conneries que je fais. Mais sans modèle paternel, ma vie s'efface et je me perds. Je ne peux voir que le diable. Je vis un enfer perpétuel, loin du paradis éternel. Si loin de ton amour paternel qui peut faire dans mon cœur une étincelle. Mais papa, ton absence gagne ma peine. Et cette peine arrache à mon cœur, à mon corps. Ce qui fait que je n'ai plus de cœur, mais de la haine. Qui, elle, se charge bien de le remplacer sans remords. Je deviens de plus en plus méchant chaque jour. Tout ça parce que je manque d'amour. Papa, t'es parti comme un lâche. Mon âme n'a pas supporté ce départ si soudain qui brisa mes rêves et mon espoir de pouvoir serrer en mon père dans mes bras. Ce jour n'est pas arrivé, mais l'espoir fait vivre, alors j'y crois qu'un jour je pourrai dans mes bras te serrer pour ensuite te dire je t'aime papa. Avec impatience j'attends ton retour, que tu sois enfin auprès de nous, que tu restes pour toujours, que tu nous offres tout ton amour. Papa ti amo, vedetol natene plego. C'est fou comme je peux avoir besoin de toi. Ici la vie est dure si tu savais seulement le quart de ce que je ressens loin de toi. Tu sentirais que se glace ton sang. Et le soir devant ma classe je ne vois rien, si ce n'est ce visage familier qui ressemble au tien. Malgré les apparences ce n'est pas toi et je le vois bien. Car tu n'es pas auprès de moi non, tu es loin, loin de moi. Tu me rentres sans le savoir, tu me fais pleurer sans le savoir. Mes larmes, de toute façon personne ne les verrait. Car mes larmes coulent à l'intérieur pour cacher les émotions qui viennent de ma peine. Donc tu perpétues sans cesse la douleur. J'ai tant de mal à la vivre, elles sont ton exemple. Papa aide-moi à trouver le bon chemin pour te retrouver, que tu sois près de moi et que tu me prennes soin. Et enfin, qu'on puisse en être ensemble, libres de nos actes, sans jamais d'entracte. Nous ferions ce pacte de toujours être compact et sans perdre les pédales. Je trouverai la sortie de ce dédale qui me perdait au beau milieu d'un enfer. Mais si je te retrouve, j'aurai enfin un père et je serai enfin au paradis. Et le bonheur ne sera pas fictif. Je serai enfin heureux, sans être dangereux pour mes proches qui sans cesse me reprochent de cacher mes émotions. Mais c'est dû au fait que sans toi, tu sois présent d'une façon ou d'une autre dans mon cœur, que mes émotions sont cachées derrière ma rancœur. Papa, je t'aime tant, tu me manques tellement. Reviens auprès de moi et fais revivre en moi la joie. Car au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas là dans ma vie. T'es toujours loin de la famille, ma famille, notre famille. Je t'attends tous les jours en sortant des cours, mais quand je vois que tu n'es pas là, vers chez moi je cours en pleurant des torrents de larmes. Car tu me manques, j'ai besoin de ton amour. Si seulement tu n'étais pas si éloigné, nous pourrions passer des journées ensemble, sans voir le time passer, se compter les aléas du temps. Malheureusement t'es bien loin, tu es bel et bien parti là-bas, dans cette ville où tu es si bien posé avec ta nouvelle femme. Cette même femme qui te rend heureux, qui t'a même fait deux enfants, qui sont donc mes frères et sœurs, et aussi par conséquent ta condescendance. Je te souhaite de vivre pleinement avec eux, car tu peux lire dans leurs petits yeux qu'ils t'aiment plus que tout, mais pas autant que moi qui t'aime comme un fou. Eux, tu ne leur manques jamais, car tu rentres chez toi tous les soirs. Moi, je te pleure comme jamais, car t'es si loin, oui, si loin de moi. Je t'aime papa, reviens-moi. Papa, tu me manques. Signé ton fils qui sans cesse rentre en pleurant.